Si commence le livre de Fauvel. En étable, il a maison plus honorable. Avouer veuillute hautement jouer et râtelier de grande affaire, il s'est hébergé en la salle pour mieux démontrer son régal. Trahir à raison, le fait seigneur de sa maison. En lui est sauchié, maître grand peine, car elle palais royal le maine. De lui faire honorer ne cesse, en tour, Fauvel à si grande presse, de gens de toute nation et de toute condition, que c'est une trop grande merveille. N'y a nul qui ne s'appareille de torchier Fauvel doucement. De Fauvel descend flatterie, qui du monde à la seigneurie, et puis en descend avarice, qui de torchier Fauvel nénisse, vilanie et variété, et puis envie et lâcheté. Ces six dames que j'ai nommées sont par Fauvel signifiées. Ce ton entendement veut y mettre, prend un mot de chacune lettre de Fauvel qui s'y règne en terre par différences et par guerre. Vécu sans richesse, mais or, en a si grand largesse, son successeur, que c'est merveille, que Fauvel étudie et veille à lui porter flore assez, ne sinon peut être lassé. Hélas, comme malentendement que par ce voyons sainte église, tributaire et au-dessous mise. Fauvel, bien noué avait, comme il est pigné et lavé. En un faux d'étuel fut assis, mais je croyais que si n'a pas si, qui a aussi belle onque veillisse, ne quitte tel parler oïs. Si belle étouée que par syncôme, se parouait œuvre de fantôme, il est étoué d'un or d'archémie, semblant fin. Mais ne le fut mis. Absolitum vomitum, ne credeas, paveas, interitum meritum, proteritum doneas, propositum foveas, ad caneas degeas, nec pereas, pereas, provideas subitum exitum, et caveas vetium reditum, ad obitum solvesitum, se acunum competeris oderis, hoc seculum in potenem, entoure le sire qui est fauve. Avouez, ce Jésus-Christ me sauve, trop grand foison de sa ménie. Maouti haute belle compagnie, il y fut bara, baoulerie, faussard, tripot et tricherie, mur de trahison, roberie, nés parjurés et fouets mentis. Par la salle entour, les piliers furent à monts et à milliers, entour, fauvelles et sachères, loin et près, devant et derrière. L'or ne s'est pas fauvelle tenu, un bâton sel teint de seuil. Ne semblait pas qu'il eût riume en haut par là, tel est son tiume. Seigneurs et dames qui s'y êtes, menez de vos jouets et fêtes, car vous êtes de mon ménage et tous êtes de mon lignage. Et si vé que notre affaire va si bien qu'il nous doit plaire. Je suis aujourd'hui roi et sire, et du royaume et de l'empire. Prêt homme vient à volonté. Moi, je suis riche et bien renté par mon sens et par ma fallace. J'aille bien de fortune la grâce, du tout à mon vouloir tourni. Moi, je m'a donné grande seigneurie du monde qui est sa maison, m'a fait seigneur, malgré raison. Or, ai-je pensé d'autre part? Que fortune qui t'a au départ, il ne peut être qu'elle ne m'aime qu'en si grand honneur en moi s'aime. Puis qu'elle m'a faite si grand maître, il ne pourrait nullement être qu'elle ne m'ait sans fallace donné sa amour et sa grâce. Et elle n'est pas mariée, ne moi aussi qui a libé et croit qu'il y en parlerait que moute tôt s'y accorderait. Et ce, j'épouse et l'avoué de sa roue maître serouet. Que l'on sans regarder raison ne louer, répond le conseil sans délouer. Sire Fauvel, noble impérial, bien devait souhaiter. cher et gouverner très tôt l'Empire. Car à vos sens, rien ne s'attire. Votre engin tout seul monte et passe, malgré qu'on ait raison la lasse. Ne léauté, ne vérité, tout avait bien supédité. Votre majesté est souveraine, dessus toute vertu humaine. Quand Sir Fauvel ôt oï son conseil, Maud s'en est joui, car il est toujours mout à aise quand on lui dit ce qui lui plaise. Tantôt commandant mal et tôt sont hernoués pour s'en aller vers Fortune, l'aventureuse. Deux roues ôtent devant Fortune, qui toujours tourne, mais l'une va tôt et l'autre lentement. Et en chacune vraiment à une mandre roue mise tôt par-dedans et à telle guise que mouvement contraire tient contre la roue elle se tient et ses roues sans séjourner font l'état du monde tourner. Diversement me tremporte et ma manière aussi est double. Aux uns suis belle, aux autres trouble. Je suis fille du roué des roués qui le monde et tous ses déroués me commet si que je digère tant aussi comme il plaît à mon père, car mon père bien dire l'ose, sans raison ne fait nulle chose. Fortune s'y n'est à autre chose que la providence divine. Entends, bête de mal renom, j'ai tôt à aux mains quadruple nom, mon droit nom s'y est providence qui m'est donné pour ce et en ce que j'ai pouvoir de louer, véouer, tôt aussi comme il doit échouer. Mon second nom est destiné, qui fat et a autrefois nommé, et c'est-à-dire proprement envoyé au mouvement, si que en tant comme je m'applique à mouvoir ma roue authentique, mon tiers nom est Cataventure. qui vient souvent ou mal ou dur, parcours de causes non sues, jusqu'à temps qu'ils sont avenus du carnan suit fortune dite. Et pas oser fortune, la dame ne suit pas tel garçon femme. La vaine gloire, la belle, la décevante damoiselle. Fauvel, ce te sera par mame, trop faitisse et trop propre femme, car tu es vain et elle est vaine. Va, s'il épouse et s'il emmène, car je le veuille et s'il le loue, va, s'il apprend de son marou.